Et voilà, c'est parti. Deuxième partie, la reconnaissance. C'est un sujet que j'ai jamais parlé, mais j'aurais dû en parler, ça fait longtemps. Carburant de l'âme. Écoutez, main saine comme ça, l'esprit n'a pas besoin d'être reconnu. Donc, l'esprit que vous avez en vous, on n'a pas besoin d'être reconnu. OK? Parce que tu te connais, tu n'as pas besoin qu'on te reconnaisse. Tu te connais déjà. La reconnaissance, c'est un processus chez les gens qui pour les gens surtout qui manquent d'identité, qui est comme une évaluation sommaire de qu'est-ce qu'ils sont dans leur rapport avec les gens, mais qui est tellement, c'est tellement réfléchi la reconnaissance que ce que tu es, c'est qu'est-ce que les autres te disent que tu es. Vous me suivez? Tu sais, quand on parle des gens qui n'ont pas d'identité. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience aussi ou ça. Tu sais, exemple, quand vous êtes bébé ou vous êtes enfant, si tu manges tout ton pot, là, ton pot de Gerber, là, de bon petit garçon, t'es donc bon bien. Là, avec le temps, faut que tu finisses ton assiette, faut aussi ou ça. Après ça, on se demande quand on est obèse. Écoute bien, là, tu sais. T'es gentil quand tu finis ton assiette. T'es pas gentil parce que tu manges. Tu fais ça même si tu manges, tu finis pas rien. C'est parce que t'as plus faim, Chris. Tu sais, avoir de l'identité, c'est de savoir quand t'as fini assez. Mais non, t'es faim juste quand t'as fini ton assiette. Y a pas de gaspillage. Papa, papa, papa. Ou si t'en vas manger chez des gens, ils ont 8 couverts à gauche, 8 couverts à droite. Pas couverts, mais les ustensiles. Puis si tu comprends pas ce que c'est, ben t'as pas de classe. Hey, chez nous, ça fait... Depuis 2007, que je mange juste avec une fourchette et une cuillère chez nous. Parce que mon lave-vaisselle est fucké, je l'ai mis sur le bord du chemin. Je ne suis pas de classe. T'sais. Mais je suis doctorat en quelque chose. Fait que c'est pour dire que le mot reconnaissance, ça a une origine qui est collective. Dans le sens que c'est le social qui vous reconnaît. C'est quelque chose d'extérieur à vous autres. Ça commence par la famille, ça va de soi. On te donne des médailles, on te donne des petits oiseaux, des petits anges dans le coin de tes pages quand tu fais tes devoirs. C'est toutes sortes de patentes qui font qu'on te décentre. La reconnaissance, c'est un moyen de décentrer l'être. OK? En lui faisant dire, ou penser plutôt, en lui faisant penser que ce qu'il est, c'est ce que les autres lui donnent comme valeur. C'est très, très, très très dangereux et c'est anti-conscience. Là, me dire, Daniel, tu n'as pas des grosses salles, fait que tu ne dois pas avoir une grosse job. Non. Mais j'ai la science du futur entre les mains. Hein. Que de la reconnaissance, c'est social, et que de l'évolution du rapport avec l'être et l'esprit, c'est identitaire, donc c'est pour l'identité, tandis que la reconnaissance, c'est pour la personnalité. OK? Et bien, j'ai beaucoup de gens qui cherchent la reconnaissance, parce que qui dit reconnaissance, éventuellement, va allier ça à la réputation. Fait que tu ne peux pas te faire une réputation sans reconnaissance. OK? Fait que si tu dis, Daniel, tu as la réputation d'être un gars qui est très occulte. Bon, ça, c'est une évaluation de gens qui, eux autres, la réalité ne contient pas une forme quelconque d'abstraction. Je ne suis pas religieux, là, mais je peux parler de quelque chose qui ressemble à ce qui a déjà été parlé par des religions. Il y a des gens qui m'ont dit, eh bien, moi, j'ai commencé à fouiller, puis j'ai vu que ce que tu disais, ça ressemblait bien gros au bouddhisme, ça ressemblait beaucoup à ci, puis beaucoup à ça, puis qu'en final, bien, toutes les religions ont une espèce de point commun que toi, tu résumes d'une façon plus moderne. Bon, OK. Tu reconnais ça, mais tu me reconnais là-dedans, ça ne m'exclut pas de la société pour autant. Ça fait simplement dire que ce que je sais ou ce qu'il m'est donné de savoir, ça rejoint quelque chose qui a toujours été. Mais reconnaître pour l'autre, c'est un peu aussi avoir accès à un développement. Fait que si moi je reconnais que quelqu'un est bon, je sais pas, dans l'armurerie de carabine, le gars il avait une passion, il a commencé à l'âge de 20 ans, il est rendu à 64 ans, puis il en sait long. J'y reconnais une expérience. Mais faire un constat de vie, puis d'être en embavé devant le constat de vie d'une personne, il y a une différence. J'ai un tireur là, il est tout le temps dans les cinq premiers du championnat canadien. Il a 85 ans. C'est un ancien militaire, puis lui, il a une passion pour les armes. Puis quand il était dans l'armée, on l'envoyait partout dans les compétitions parce qu'il était réellement supérieur à la moyenne. Il a une lecture du vent, le gars, là, par instinct. Il fait juste sentir le vent dans le cou, puis il sait déjà comment ajuster son télescope. C'est hyper débile. 85 ans, puis les gars, ils lui reconnaissent une sommité, ils lui reconnaissent d'être un excellent tireur. Ça reste quand même un compétiteur, peu importe l'âge. Ils ne laissent pas gagner, comme on dit. Mais cette reconnaissance-là, il y a eu un temps, moi, quand je parlais avec, que d'avoir des trophées, là, il y en avait, ça n'a plus voir clair dans la maison. C'était son carburant, lui. Il avait beaucoup de privilèges dans l'armée parce que c'est un tireur d'élite. Il avait beaucoup de privilèges pour aller faire les compétitions dans le Commonwealth. Puis il ne l'exposait pas dans des guerres, là, comme aller tirer en Afghanistan, il y a des snipers, ces choses-là. Il ne l'exposait pas trop pour le garder comme une figure de proue. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des guerres importantes. Là. Mais cette reconnaissance-là, lui a donné beaucoup de carburant. Ça a mis à l'âme là, dans sa programmation, tu sais, comme je suis ça et je. Il s'est beaucoup identifié à son talent. Bon. Quand vous avez un talent, parce que tout le monde a un talent à quelque part, moi je viens d'une famille de vendeurs, fait que c'est sûr que on est toute la famille, on était des vendeurs. Même ma mère, elle vendait des chapeaux dans le temps qu'il y avait beaucoup de. La mode était aux chapeaux pour les femmes. Elle était bonne vendeuse. Fait qu'on était trois enfants, puis père et mère. Ça faisait cinq personnes qui étaient très vendeurs. Et on était reconnus, les Ménards, comme étant des vendeurs. Même Bernard disait tout le temps, il dit, quand tu parles, on disait qu'il y a toujours quelque chose à vendre, le gros mignon, tu sais. Et puis, tu sais, tout le temps, je parlais, puis je corrigeais les gens, puis ci, puis ça, tu sais. Puis, je dis, tu fais de la publicité pour tes conférences, là, c'est ça? Ah. C'est moi qui passe en premier, là. J'ai dit, ben non, alors, si on parle. Moi, il dit, t'as un style vendeur, tu sais. Fait que le carburant de l'âme, la reconnaissance, évidemment, c'est comme si on veut, je vais en faire plus. Tu sais, si on m'en demande, je vais en faire plus. La reconnaissance, c'est que tu t'étiquettes boulanger, tu fais un bon pain. Il est bon son pain, on en veut plus. Ça donne du carburant à être reconnu parce qu'en final, ça revient à une réputation. C'est que juste avant la réputation, c'est la reconnaissance. Tu es reconnu longtemps de faire quelque chose. Et puis, moi, j'ai vu Gilles grimper d'un arbre. C'est assez flagrant qu'il n'y a pas de misère dans les escabeaux. Tu sais, il grimpe ça, le cling, cling, cling, cling. Il n'a pas besoin de mettre ses morceaux de tôle, ses pieds, là, pour grimper dans l'escabeau. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'un hauteur. Moi, être déjà au bout de l'escabeau, pas une grosse, là, une 8 pieds, là, j'ai ma dose. Puis, je ne montrerai pas de bout là-dessus. Lui, c'était un talent. Sa dernière incarnation, c'était un babouin. Fait que ça pour dire que si vous avez de la reconnaissance, vous allez être capable d'amplifier votre mouvement. Et puis la différence entre être riche et être pauvre, souvent, c'est de prendre un talent, de l'organiser, de le structurer, et puis d'avoir une réputation, donc une reconnaissance. Puis plus vous amplifiez votre reconnaissance, bien, plus conséquemment, vous pouvez vous mettre en échange avec les gens. Donc, comme la vie matérielle, ça repose sur des règles du jeu qui sont très animales. Bien, plus on peut manger à la table de quelqu'un, bien, plus on veut le voir. Et conséquemment, quand tu te bâtis une reconnaissance, il faut que tu tiennes compte que ça améliore. Tu sais, ton carburant, là, ça va avoir du carburant. Parce que moi, je fais une conférence, je suis plate à chier. C'est bien évident que les gens vont dire, ce gars-là, ils vont pas là, tu vas t'ennuyer, c'est l'enfer. Mais si je suis capable de joker, puis que ça marche, parce qu'il faut que je fasse rire, hein, c'est important. Une joke qui est mal pris, là, et ça va me donner une reconnaissance. Dire, le gars, écoute, ce qu'il parle, c'est intéressant, mais il est drôle, là, c'est pas des farces. Fait que j'ai des chances d'aller à la TV. TV égale bien du monde égale, faut que je grandisse ma salle, descendre au quartier en bas. Après ça, Sheraton, 300 personnes. Puis après ça, ben, c'est des. La Sandbell. Hein? Tout ce qu'il y a de publicité qu'on voit là, c'est tout un travail pour aller chercher de la reconnaissance. On vous place une publicité dans le journal, c'est pour aller chercher de la reconnaissance. On vous place une publicité dans la radio, télévision. Tu t'en vas à la Commission Charbonneau, tu vas avoir de la reconnaissance. on va te reconnaître. On va te reconnaître, mais tu sais, reconnaissance, ils ne disent pas si ça va virer bien ou si ça va virer mal. Tu vas devenir un être reconnu. Des gars que j'ai jamais vus. Puis là, après l'avoir écouté, je me dis, ouais, lui aussi, je pense que. Il faut bien comprendre que la reconnaissance, c'est beaucoup, beaucoup lié à l'émotion. L'essence même de la reconnaissance, c'est émotionnel. Et c'est tout le temps en fonction dans un échange de rendement. Fait que l'effet de la reconnaissance est très émotionnel. Fait que quand vous voulez être reconnu, c'est pas le talent intellectuel qu'il faut vous mettre en relief. Faut vous mettiez. Tu sais, tu vas acheter une auto, elle va super bien, mais elle n'a pas été lavée. T'as un char pourri, la transmission t'avait de tomber, mais elle est bien lavée, cirée, elle est plus tentante. Fait que dans le phénomène de la reconnaissance, tu sais, tu passes à la cruse. Moi, je passe à la cruse à soir, tu sais, habillé de même. Là. J'ai de l'air d'un ours qui sort du bois, tu sais. Fait que brun, s'il vous plaît, là, trompez-vous pas des couleurs. Va faire chouette fin en maudit, puis que si le plancher de danse, là, tu sais, que ça swing comme il faut, puis j'ai mal dans les jambes, tout le kit. Fait que je vais aller à un gros craqué, tu sais, qui craque, qu'on entend craquer, puis tout le kit. Fait qu'émotionnellement, j'ai pas une grosse valeur d'échange sur le marché. Mais j'ai un asti de bon rendement. Si tu es capable de te rendre jusqu'au café, tu vas avoir fait un cheminement contre ton ego, puis c'est de l'esprit, c'est automatique. Fait que donc, si moi j'y vais, chez Fuzzy, n'importe quoi, c'est clair que je vais sortir de là avec une bonne relation d'esprit, mais pas une attirance et une reconnaissance sensuelle ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que, il va falloir que je vende ma salade, pas à peu près. Puis quand ils vont me dire, t'as-tu de l'argent? Moi, j'écoute bien. Mais, tu sais, c'est encore un facteur émotionnel. Toutes vos conversations qui sont basées sur l'affaire de reconnaissance, dans le fond, toutes vos discussions tournent autour de « Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Hey, youhou! Tu m'aimes-tu? Si tu veux pas m'envoyer! » Ben, c'est la reconnaissance, c'est basé sur ces émotions. Après ça, l'échange, une fois que vous avez... une fois que les gens ont dit « Ah, le char, il est bien lavé, il est ciré, tout le kit. » Mais là, les gens ont commencé à checker l'échange. « Bon, la transmission va-t-il bien? » Mais en premier, c'est ça, la présentation. Puis en deuxième, ça commence à être l'affaire du rendement. Ça aboutit pour ne pas avoir de déception dans l'affaire du rendement. Fait que là, si je suis en cours à la discothèque, la personne elle va dire « Qu'est-ce que tu as à donner, toi? Qu'est-ce que j'ai à donner? Rien. Tu n'as rien à donner? Pourquoi je m'occuperais de toi? Mais c'est parce que tu es un homme intéressant. Ah, ouais. Tu n'as pas d'argent, ou tu as l'air d'en avoir, mais on ne sait pas, on ne t'a pas vérifié. Voilà. Tu travailles-tu à l'impôt, là, Chris? C'est l'inspecteur qui se promène, là. Tu as l'air à ça, toi, là. Fait que tu vois bien que les gens, ils font un punch au niveau de ce qu'ils sentent. Okay? Après ça, ils s'en viennent dans l'échange, voir qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher. Pas ce qu'ils peuvent donner, s'ils viennent chercher. Fait que vous avez... Moi, la reconnaissance, c'est une affaire de chimie. Tu sais, les gens qui cherchent une chimie, là, bien, la chimie, c'est tout un ensemble de présentations. Comment ça se présente? Comment, tu sais, c'est sûr que tu vas prendre un berger allemand qui rencontre un grand Danois, là, il peut avoir de la chimie, mais disons que c'est pas la même race, puis il va avoir un problème de rendement quelque part, c'est sûr, tu sais. Fait que la situation devient complexe, parce que c'est l'âme qui est toujours dans un processus de choix. Je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'autre conférence que l'esprit ne te donnait pas le choix. Tu ne peux pas décider avec l'esprit. L'esprit, ça te fait vibrer. Puis dans ce qui te fait vibrer, il y a une décision. Il y a une décision d'aller vers. Tandis que dans l'âme, il y a toujours l'impression du choix. Ce qui caractérise l'âme, c'est le choix. Et puis ce qui caractérise l'esprit, c'est l'obligation. OK? Ça va jusque-là? Donc, c'est sûr que de vivre une vie avec de l'âme, ça a de l'air plus agréable parce qu'on a l'impression de choisir. Mais on choisit sur quel critère? On choisit tout le temps sur ce qui émotionnellement nous convient. Et non pas nécessairement sur ce que, dans l'échange ou le rendement, qu'est-ce qui doit être fait. C'est sûr que tant mieux si émotionnellement puis le rendement conviennent ensemble, ça va de soi. C'est sûr, c'est l'idéal. Mais il y a des fois que l'émotion nous trahit parce qu'elle nous place dans des choix qui nous placent en déséquilibre. Fait que la dynamique est que quand on est dans un processus de reconnaissance, on vise deux aspects de notre être, l'intellect et on vise aussi la charge émotionnelle. Puis, dépendant de notre maturité, on va aller de plus en plus vers l'intellect, donc vers le rendement, que vers l'émotion. Fait que, tu sais, c'est comme, il faut beaucoup de maturité pour chercher une reconnaissance qui est appliquée sur le rendement. Fait qu'un médecin ou un chirurgien, il a plus avantage à mettre l'accent sur le rendement que sur chirurgie esthétique. Parce que il est évalué sur le rendement, il n'est pas évalué sur l'apparence. Mais ça nuit pas, par contre, d'être un beau médecin. Parce qu'il faut quand même travailler des secrétaires, pas des secrétaires, mais des infirmières. Tu as dû être séduite par quelques médecins à un moment donné, hein, dans ta vie. T'as beau dire, moi, je suis une femme autonome, là, mais. Tu sais, il y en a quand même que là, c'est des beaux professionnels, marchent bien, bien habillés, papa. Mais ils sont quand même dans l'hôpital pour le rendement. T'sais, ils sont évalués par leur père, comme on dit, pour le rendement. Donc, quand on parle de reconnaissance, on a deux terrains. On a le terrain de la compétence de, et que c'est la compétence de répondre à des besoins, et la compétence de séduire. Les deux terrains de prédilection, c'est le séduire. Qu'est-ce que j'ai dit l'autre avant? Ah, répondre des besoins, c'est ça. Fait que si vous êtes capable d'allier les deux, merveilleux. Mais si vous avez à choisir un, celui qui vieillit le mieux, c'est répondre à des besoins. Malgré qu'il y a des gens qui ont vraiment le talent de séduire toute leur vie. Ce que les gens appellent en général le charme, quelqu'un de charmant peut faire bien du millage, bien du millage dans la vie. Mais il faut vraiment que tu sois né pour ça. Si tu n'es pas né pour charmer, là, ta reconnaissance peut s'estomper assez vite. Parce que ça demande. Le charme, ça demande d'être comme ça. Parce que si tu es obligé de faire un effort pour charmer, ça veut dire que reconnaître là-dessus, il s'agit qu'il y ait un journaliste ou un têteux là, qui. Ah, t'as des défauts. Puis là, ton charme va tomber. Fait que tu vois qu'il y en a qui attachent à la reconnaissance leur identité, tandis qu'il y en a d'autres que c'est comme un produit de marketing, c'est nécessaire parce que ça doit se passer comme ça. Ça revient tout le temps à répondre à des besoins. Hein? Fait que. Le facteur émotionnel étant lié à manger aussi, et le rendement étant de pouvoir survivre, tout ça fait un cocktail garanti de reconnaissance. Pourquoi les gens, quand ils t'invitent, tu ne viens pas chez eux et tu payes le lunch? Non, non, ils te donnent un lunch. Ils te donnent un lunch. Juste le fait qu'ils te donnent un lunch, qu'ils te nourrissent, qu'ils donnent subliminalement la sensation qu'ils vont te faire sortir de la survie en te donnant un lunch. Ça donne le goût de Noël, ça donne le goût du jour de l'an. Pourquoi? Pour les cipotes, les tourtières, la dinde, les attaquas, tout le kit. Mais Noël, pas de lunch. Juste un Noël, on dit à tout le monde, sa planète, vous faites un Noël, pas de cadeaux et pas de bouffe. Juste parce que vous vous aimez. C'est une fête d'amour, ça, là. Le monde ne sont pas assez intéressants à Noël, puis le jour de l'an, pas de bouffe et pas de cadeaux. Pour pouvoir vouloir être ensemble. Mais à cause de la bouffe et des cadeaux, ils se donnent le goût d'être ensemble. Vous voyez comment c'est insidieux, la reconnaissance, hein? On va chez quelqu'un, on mange bien. Si vous allez là, c'est en fin de semaine, voulez-vous venir chez moi, Noël, plusieurs de l'an? Non. Je suis sûr qu'il n'est pas bon cuisinier. Et vous avez raison. Je suis bon dans le gruau, les toasts, et faire cuire un œuf de temps en temps. Conséquemment, je n'ai rien d'émotivement stimulant pour venir chez nous. Okay? Mais je ne propose pas ça, sachant que je ne pourrais pas être reconnu. Fait que je ne suis pas maso, je laisse faire, je laisse passer mon tour. Par contre, si je suis invité dans une place, c'est clair que je n'ai pas besoin d'emmener une bouteille de vin. Ma seule présence et les conversations que je vais vous maintenir sont définitivement beaucoup plus qu'une caisse de vin. Okay? Je me mets là où je suis en force, fait que là où j'ai une reconnaissance. Je vais me diriger vers ces endroits-là, voyez-vous? L'âme, c'est tellement facile à cerner de l'âme que si vous acceptez les règles de l'âme, c'est très facile pour vous autres de jouer le jeu de la reconnaissance. Vous me suivez? Fait que c'est comme tout le temps jouer le jeu. La reconnaissance, c'est comme jouer le jeu. Le jeu de ce que l'autre cherche, de ce qu'il ne veut pas savoir vraiment. C'est, la reconnaissance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs de tromperie acceptés. T'sais, c'est vrai, c'est la job. C'est la job, c'est pas que c'est écrit sur ton document, c'est comment ça paraît ton document. Puis là, qu'est-ce que c'est? Bien, si c'est vrai, si c'est intègre, si tu as fait un bon travail, tu as fait un effort, puis tu as une petite larme en plus, ça va une promotion. C'est tout des jeux, c'est des manipulations d'émotions et puis du rendement. J'applique sur le rendement parce que tu trompes des fois sur du monde mature. Quand tu es sur du monde mature, chose que quand même il faut chercher un peu, bien là, à ce moment-là, tu es évalué sur le rendement. Là, tu peux dire que l'effort valait la peine. T'sais? Quand je m'envoie sur un centre de tir et que le gars il a placé sa balle dans plein centre, je peux voir sa feuille. T'sais? Fait que quand le gars, écoute, il sent du dessus de bras, là, mais il a 50 sur 50. 50-50, tu te bouches le nez, tu es un professionnel. C'est plus une affaire de « je t'aime bien », c'est une affaire de « Christ, tu l'as fait ». Oui, mais c'est pas un monde de femmes. Il ne s'en va pas là pour séduire personne. Il est exclusivement concentré sur le rendement. Fait que là où vous êtes reconnu, c'est là où vous êtes reçu. Ça, c'est l'autre point qui est à suivre. La reconnaissance égale la réception. Quelqu'un est déçu d'envie de quoi que ce soit. Tu veux te remettre d'une peine de quelque chose, une peine quelconque, là. Et puis, regarde, moi, les chats, là, je pense plus, là. Pourquoi? Parce que j'ai de l'écoute. Fait que, parce que vous m'écoutez, je pense pas à mon chat, là. Là, j'ai déjà moins de goût de le tirer, là. Tu sais, je vais arriver chez nous. Puis comme le chat, lui, il ne sait pas là, que je suis pompé, là. Je vais arriver, puis il attend son lunch, puis... OK. Fait que c'est la réception qui va faire que je vais couler off. Tu sais, tu te chicanes avec quelqu'un, et oh, je vais m'en aller, je t'aime plus. Bon, écoute, viens, moi, te payer un bon lunch, là. L'amène au restaurant, ça coûte 200$. Bien, tu n'as jamais fait ça quand on est ensemble. On est encore ensemble, ouais, mais là, c'est fini pour moi. Là. Mais là, avec ça, ce lunch-là, je vais te donner une semaine de plus. T'achètes avec la réception. Tu reçois et clic. Dites-moi que ça ne marche pas. Hein? Il y en a-tu qui va me dire, non, ça ne marche pas, ça? C'est infaillible. Tu es reçu et automatiquement, tu vis la reconnaissance. De la reconnaissance, c'est de la réception. Ça s'éteint. C'est un problème émotionnel. La reconnaissance, c'est le baume, c'est la baume. À Québec, la baume, le baume. C'est le baume. Vous êtes reconnu, vous êtes en paix. Vous n'êtes pas reconnu, vous êtes en crise. Vous avez besoin d'un baume. Et la reconnaissance, c'est la clé. Tu n'as pas besoin de 200 000 personnes, tu as besoin d'une personne qui écoute parfaitement. La reconnaissance, c'est de la réception. On reçoit, on te reçoit. Non, c'est hallucinant. Tu sais, la reconnaissance, c'est comme une monnaie pour apaiser, pour... tu fais ça avec n'importe qui, puis ça marche. N'importe qui, on le dit. T'es aguissable, mais tu savais dans le fond comment t'es fine. Tu sais, t'es aguissable en hostie, hein. Mais oublie pas que t'es fine. Dans le fond, là, l'autre est tiraillé. Mais là, je suis fine ou bien... Ben là, choque-toi pas, là, parce que là, tu vas tomber dans le pas fin, mais je dis, pogne ton fond, là. Ton fond, il est fin. Y a-t-il des questions? J'en avais trop, mais... Ben, commence par une, juste une à la fois. Après ça, laisse la place aux autres, puis t'as l'air à peine bien la place, c'est là. Il y a le parfum en avant. Moi, tout à l'heure, j'ai pas décollé de ma chaise à cause du parfum. Hein. Puis seulement, je prends trois cafés. Je vais te parler tout seul, je vais laisser... L'esprit fait quoi, lui, de la reconnaissance? L'esprit, il n'en a pas besoin pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas besoin d'être évalué. Puis les émotions, pour lui, c'est lié à l'expérience humaine. Fait que, tu sais, votre gros tiraillement avec l'affaire de l'esprit, c'est toujours de savoir, l'esprit va-tu vous faire aimer? Tu sais, il y a toujours comme quelque chose en termes de si je parle avec l'esprit, on va-tu m'aimer dans ce que je dis? Tu sais, il y a toujours comme un rapport avec l'autre, de premièrement, de recherche de reconnaissance. Vous voulez parler intelligemment pour être reconnu intelligent. Alors que pour l'esprit, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu sois reconnu intelligent. Il faut que ça soit intelligent, mais pas reconnu intelligent. Tu n'es pas là pour te surimposer à l'autre. Tu es là pour agir, pour améliorer la vie de l'autre et de la tienne. Vous voyez la nuance? Vous autres, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'esprit, c'est totalement biaisé par l'âme. Donc, l'esprit ne vous met pas en contact avec sa puissance, parce que vous allez mal vous servir de la puissance. Vous allez vous servir de la puissance pour obliger l'autre à vous reconnaître et créer un précédent dans l'équilibre de votre échange, parce que vous allez dominer. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le contact pour dominer leur environnement, leur imposer une ligne de conduite, leur faire voir qu'ils ne sont pas intelligents par rapport à eux autres. Toute personne qui est comparative, là, qui est toujours dans un rapport de jugement avec l'environnement sur des fonctions comparatives, à cause de la jalousie principalement, ne peuvent pas avoir le contact. Ça leur interdit strictement parce qu'ils sont jaloux. Et ils traitent tout le temps le rapport à l'autre comme étant un facteur émotionnel où ils doivent avoir la dominance. Ils n'ont pas de reconnaissance, ces gens-là. Ils ne peuvent pas avoir de reconnaissance parce qu'ils utilisent mal l'énergie. Fait que c'est toujours utilisé pour caler l'autre. Fait que si vous allez chercher de l'esprit, c'est pour être commandé par l'esprit à la façon de l'esprit, jamais la façon de l'âme. Fait que l'esprit ne donne pas d'accent à la reconnaissance. Moi, pas reconnu, ça ne change pas. Regarde un gars comme Claude, il n'y a pas besoin qu'on reconnaisse qu'il est intelligent, il s'en contre-Christ. Il est payé, il paye ses comptes, il vit sa vie, sa femme l'aime bien. That's it, that's all. Il n'y a pas besoin de reconnaissance. Tu vas lui demander, vous dites. Toi, tu vas dire, ben, c'est sûr qu'il est capricorne, s'il veut juste vivre seul. Non. C'est... Même Bernard n'a pas besoin de reconnaissance. Il avait besoin d'un public. Mais son rendement et sa compétence suffisaient. En plus, il faisait le fin, dans le sens qu'il se mettait des beaux habits. C'était un gars qui avait du goût, il était esthétique, tout le kit. Mais il ne fait pas ça pour aller chercher de la reconnaissance. Il n'y a pas de recherche d'être aimé dans l'esprit. Tandis que dans l'âme, il y a une recherche permanente d'être aimé. Tu sais, câlisse, quand t'es pas beau, tabarnak, qu'est-ce qui te reste dans la vie, là? Tu sais, faire des beaux soupers, tu sais. T'es laid. Bon, mais c'est ça. Moi, je suis gros. Tu veux que je fasse? Ben, c'est la fille, elle dit, moi, j'aime ça les styles danseurs. Ben, c'est ça, on va chercher Michael Jackson. Un petit pain sous baguette, là. That's it. Moi, c'est pas mon style. Puis danser, c'est vraiment un moment enfargé dans mes lacets. C'est pas ça. Fait que je peux pas chercher de reconnaissance dans ces secteurs-là. Puis je peux pas être jaloux de ceux qui le font. Eux autres, c'est leur programmation, c'est leur karma. Tu me suis-tu? Fait qu'il y a dans l'être de l'amour qui manque. Tabarnak, on t'a pas aimé quand t'étais jeune. C'est ton karma, ça, gars. Penses-tu qu'un gars comme ton gars, ça peut être aimé par tout le monde, toi, là? Non, c'est sûr. Mais s'il l'admet pas, s'il n'est pas capable de vivre avec ça, bien, Chris, il va chercher de la reconnaissance sur sa sacrement de vie. Alors que juste manger trois fois par jour, payer tes comptes, puis réussir à trouver un hobby que tu es heureux, ça devrait être suffisant, cette identité. Il ne faut pas essayer de dire, bien, écoute, si tu veux être aimé, il faudrait que tu fasses ça. Non, il peut ou il ne peut pas. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Là, c'est ça. Question? T'es frette, hein? T'es frette, l'esprit. Oui. C'est être reconnu, la personne a besoin d'une bonne réception. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut raconter sa même cassette, tu sais, à répétition? Dans deux milieux de travail, exemple, tu peux voir la personne, tu l'as écoutée, elle repart, elle peut raconter la même affaire, là, tu la vas faire de cinq fois. Ça fait le tour, là, tu recommences. C'est quoi ça? C'est quoi ta question? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a besoin de plusieurs personne réceptive au lieu d'une seule. Qu'est-ce qui fait qu'un gars va manger un muffin puis l'autre va manger une boîte de muffins? Tu es capable de répondre à ça? Moi, je vais te dire que c'est de l'appétit. Ah, c'est de l'appétit. Je ne juge pas. Ben, tu peux dire, tu vas être malade si tu en manges trop, mais tu sais, je veux dire, c'est de l'appétit. Il y en a qui ne mangent pas gros, il y en a d'autres qui mangent plus. Question? Est-ce que ça se peut, quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance dans sa vie? Qui reçoit aucune. Qui ne reçoit pas de reconnaissance? T'en connais? Non, mais je dis, t'en connais? T'en connais-tu? Aucune reconnaissance, c'est le vide total, ça, là. C'est parce que là, tu me poses une question, mais on dit que c'est pour les extraterrestres, là, tu sais, je sais pas. Non, mais t'en connais-tu? Une personne qui n'a aucune reconnaissance, j'aimerais ça en voir une. Ben, je me dis, ceux qui ont des métiers... Je te demande juste, est-ce que t'en non, connais? Je connais bon, ça règle le problème. Juste à être rejeté, c'est déjà une forme de reconnaissance. Moi, j'arrivais dans une place, j'avais 10-12 consultations à faire. Il y en avait une qui se levait, elle dit, je crois pas à ça, moi. Ben, je dis, je vous tirerai pas au gap. Ah non, non, non, non, je suis venu me faire ça. Ben, je dis, pourquoi vous ne croyez pas? Ben, je dis, je crois pas parce que je ne veux pas y croire. Mais ben, j'ai dit, moi tout fait pour que vous y croyez. Ben, là, elle arrivait à un moment donné, elle était, mettons, de la 9e, elle s'assoyait. Vous êtes prête, là? Vous allez gagner à la loterie. Vous allez rencontrer deux beaux gars avec les yeux blonds, les yeux bleus, les cheveux blonds. Ben, voyons donc, monsieur. Je vous dis, gardez-vous la face. Vous avez une face à yeux bleus, à gars, à yeux bleus, puis aux cheveux blonds. Vous ne trouvez pas? Ben, c'est mon rêve quand même. Ben, tu ne fous pas ça, là. J'en ai jamais eu un qui est venu me voir. Non, mais il vous regarde. Bon, ben, dis-moi, regarde. Bon, ben, c'est ça, c'est un début. Puis là, elle sortait, ben, vous n'êtes pas payé quand même. Je dis, oubliez pas, là, je suis un bon vendeur, là. C'est pas vrai ce que je vous ai dit. Ah non, non, non, c'est bon votre affaire, c'est bon. Je vais regarder les gars aux yeux blonds, aux yeux bleus, d'une autre façon. Elle dit, m'a regardé qui me regarde. Déjà, c'est comme vous dites, là, c'est un bon départ. Elle dit, moi, je voulais ça direct dans la couchette, là. Mais là, je vais regarder ça comme vous dites. C'est bon. Elle dit, mais faites avancer, vous, à soir. Puis là, elle revenait, là, elle était la furie démontée, là, dans le groupe, dans le salon, là. J'allais à domicile. Puis là, elle disait, écoutez-les, il est bon. Quand tu as quelqu'un contre toi qui dit, après ça, dans le tas, il est bon, là. Ben, j'ai parti d'un rejet, puis j'ai reviré sans reconnaissance. Tu sais, ça dépend comment est-ce que tu traites. Moi, le rejet, pour moi, c'est à mesure de rien. Là, question? L'autre qui se retient en arrière, là. Oh, ben, commence par une, là, tu sais. Moi, OK. Mettons, parle pas de toi, là. Essaye de parler pour la conférence. Ça, je suis obligé de te couper. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un politicien n'a pas le choix. Un artiste n'a pas le choix. Un musicien n'a pas le choix. Il est obligé. Sans ça, il ne lèvera jamais. La reconnaissance, c'est du carburant. Est-ce que tu es obligé de mettre du gaz dans une auto? Si tu te reconnais toi-même. Oui, je sais. Ça, c'est un mouvement de l'esprit. Mais même moi, là, si moi, je me reconnais, j'arrive chez nous, puis t'es donc fin, Daniel, là. C'est pas ça qui va me faire gagner ma vie, là. Il me faut un minimum de popularité pour qu'il y ait du monde qui vienne dans la salle, puis qu'ils viennent régulièrement, là. La plupart des gens qui sont ici, là, ça fait au-dessus de 15 ans qu'ils viennent. Là, tu vas dire, ils n'ont rien compris. Tu sais, on voulait en dire, Chris, c'est tombé. Non, mais tu sais, comment ça fait que c'est si long que ça? Mais il y a quelque chose qui fait ça, là, tu sais. Qu'ils viennent gazer, tu sais. Tu peux dire, bon, ben, ils ont, OK, ils n'ont rien à apprendre, mais... Ils viennent mettre du gaz. Tu sais, quand tu es ici, il y a une ambiance que tu ne retrouveras pas ailleurs, ça c'est garanti. Tu sais, il n'y a personne sur la planète qui fait des ambiances comme moi je l'ai fait. Ça, c'est clair et net. Fait que, est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Oui, dans un sens, parce que si j'ai du nouveau monde, ben, ou plus de monde, il faut que j'aie un côté marketing. J'ai pas le choix. Tu comprends-tu? Moi, il y a des CD que j'ai envoyés en France, puis... Ça parle gras des fois, là, tu sais, c'est crise de tabarnak. Pas sûr qu'ils comprennent ça, eux autres, là-bas. Là. Eux autres, c'est plutôt maudine, de sourdine, tu sais. En tout cas, so what, là. Fait que, tu sais, c'est pas. Quand j'ai fait des conférences en France, là, il y en avait bien qui étaient. Il y avait de la misère à me suivre au niveau du langage. Québécois, puis français, ça parle français, ça se comprend dans un restaurant, mais ça se comprend pas dans des affaires à haute sphère. Hey, j'avais des francs-maçons, j'avais des gens. Le directeur de la Barclays Bank à Nice, là, il y a des bouts, là, je te dis, qui spinaient dessous. Bessic à gaz, c'est pas comme ça que ça se dit là-bas. Là. Là-bas, un bessic à gaz, c'est une moto. Fait qu'il faut que tu dises moto. Bessic à gaz, pour eux autres, c'était des mopettes, des, tu sais, des petites affaires, des Solex, là, avec des moteurs en avant. Je vais t'expliquer. Fait que moi, ça ne m'arrêtait pas, parce que j'ai un gros centre de gravité. Mais quelqu'un qui n'a pas de centre de gravité, il faut qu'il soit reconnu sur quelque chose. C'est une base. Tu sais, tu commences avec de la musique, le gars n'aime pas ton style. J'en ai fait de la musique, j'ai un CD que j'ai fait à un moment donné, j'ai joué Saint-Toun. Le gars il dit tu chantes comme, tu chantes comme, tu chantes comme. Oui, mais je chante comme Daniel Ménard. Là, tu sais, je dis, c'est ma voix. Là. Il y en a qui disent, c'est pas vrai, c'est pas ta voix, puis ça finissait plus. Alors, j'étais passé 2 ans, les gens écoutaient, vous donnaient ça pour se le faire. Puis, ah non, non, ça se peut pas. Ça se peut pas que tu chantes comme ça. Tu sais, si tu n'as pas de centre de gravité, tu passes tes vies à te défendre. Puis oui, tu as besoin de reconnaissance. Mais si tu ne veux pas passer ta vie à te défendre parce que tu es toi, les gens vont dire, tu as de l'ego sacrément bord en bord. Tu sais, là, tu vas te faire traiter d'éléments réjectables là, tout le temps. Il faut que tu aies un élément compatissant avec l'âme, parce que vivre que de l'esprit, tu vas rester de ça. Moi, je me méfie de ça comme la peste, parce que je suis bien tout seul. Claude, il est bien tout seul. Lui, s'il n'y a pas de salaire pour payer ses affaires, là, puis ses impôts, le kit, tabarnak, il est dans la merde. Fait, il a besoin d'une reconnaissance dans son milieu de travail. Il faut qu'il joue le jeu de l'âme des employés qui sont là-bas. Sans ça, il va perdre sa job. Bien, beau être bête seul, là, mais tu sais, seul, là, ça t'amène à mort, puis assez vite, merci. Okay. Le mois passé, j'ai fait 1 300 $. Mon loyer, c'est 1 040. Fait que j'ai mangé à crédit. J'ai gazé à crédit. J'ai nourri mes chats à crédit. Alors, pour bien, je ne peux pas tenir ça indéfiniment. Fait qu'il faut que je fasse le jeu de l'âme, de reconnaître, puis d'être reconnu. Puis, je ne joue pas à ça, moi. Je suis fait à l'os. Je suis bête seul. Je suis bien que moi-même. J'ai pas besoin de parler aux autres pour comprendre quelque chose. J'ai juste à jaser avec les fesses, sacrément. Je sais tout. Non, mais tu sais, écoute, ils vont aller joindre si ça continue. Comment tu veux dire? Fait qu'il y a un bout à un moment donné. Tu veux-tu vivre ou tu veux pas vivre? Si tu veux pas vivre, là, laisse-toi aller. Les fesses vont te ramasser. Mais si tu veux vivre, vous le jeu de la reconnaissance, c'est fondamental. Ben, moi, j'ai plus le goût de faire ça. Moi, j'ai plus le goût d'avoir d'oreille. Moi, c'est-tu qu'à un moment donné, là? Raison chez vous. Bien-être social, c'est quoi? C'est 400 $ par mois? 800. 800? Ah, mon Dieu! C'est ça, par mois, j'ai payé. Deux adresses, ça fait 1 600. Ça marche, ça. J'essaie de vous faire comprendre que l'âme et l'esprit, il faut que ça cohabite. C'est juste ça que je veux vous faire comprendre. T'sais, vous ne pouvez pas être que des êtres d'esprit. Il vous faut des jeux de l'âme. C'est pas compliqué, tu sais. Moi, j'aime ça quand je me fais astraliser. Parce que c'est tellement facile pour moi de me désastraliser. C'est comme là, je m'intéresse aux carabines, mais il y a un temps, je m'intéressais à la photographie. Puis lui, il est propriétaire de photoservice dans le Vieux-Montréal. S'entends-tu que des caméras, là, il peut me plugger avec tout ce qui se fait de top. Photoservice, ils sont spécialisés dans les professionnels. L'ozo, c'est la masse, puis lui, ben, c'est le haut de gamme. T'sais. Des Hasselblad, des affaires de même. Là. C'est le fun d'aller jaser de ça, tu sais. Puis j'aimerais ça avoir le goût de ça. J'ai pris des cours de ça, mais c'est que quand je suis arrivé à faire des photos comme je voulais, là, oupilaï! Là, tu faisais la différence entre papa et les enfants, là. Là, j'ai reculé un petit peu parce que je trouvais que là, ça demandait du budget pas mal. Mais j'aime ça. Mais j'aime ça, aimer ça. Ça me garde sur la planète. Si j'aimerais pas ça, bien là, tu vas aimer quoi, Ben, pour rester ici, là? Tu sais, il faut que tu vives avec du monde. Si tu vis avec du monde qui s'intéresse à quelque chose, tu sais, mettons qu'elle s'occupe d'un sport ou d'un groupe ou de n'importe quoi, tu t'intéresses pas à ses affaires, elle n'a pas le goût de te parler. Il faut que tu sois en relation avec des gens. Moi, je lis la presse, le journal à tous les jours pour être au courant des nouvelles parce qu'il faut que je me mêle avec le monde. J'ai pas le choix. Et jusqu'à ma mort, tu sais, c'est pas une affaire de t'es conscient, t'as pas besoin de personne. No fucking way. T'as besoin du monde pour être avec le monde. Ta fonction pour les forces, c'est d'être utile. Hein, Chris, arrange-toi pour être utile. Moi, ma job, c'est d'être utile. Je ne suis pas utile, ici, ils vont me faire lever les pattes. C'est ça. Bernard, il était rendu dans des registres là, où il ne pouvait, pouvait plus être lui-même. Ils l'ont reseté, ils l'ont ramené. Tu vas être plus utile sur les plans que tu lis en matière. Pourquoi? Parce que le monde sont plus capables de standing. Là, c'est too much. Tu n'as plus le temps, là, des principes. À un moment donné, tu n'en as pas besoin de 25 principes. Il y en a besoin d'un qui est bien appliqué. Juste savoir que c'est pas toi qui penses. Comment tu penses que ça fait tant que je travaille pour amener ça dans la tête des gens? Christ, les gens, ils veulent, là. Ça coûte quand même de l'argent, là. C'est du monde qui dépense 2 000 $ par année à savoir ou à vouloir savoir, parce qu'ils ne savent pas encore que ce n'est pas eux autres qui pensent. Mais c'est eux autres qui dépensent, pas. Okay. Il faut qu'il se passe d'autres choses que de vouloir comprendre que ce n'est pas toi qui penses. Parce que s'il n'y avait pas cette d'autres choses-là, hey, oublie ça, là, j'aurais plus personne. Hey, je suis obligé de vendre des affaires à du monde, comme des autos, des palettes de boulot, tu sais, avant ça que d'avoir ça. Je c'est ça. Il y a une partie de votre soirée qui est astrale, une autre partie qui est mentale. J'essaie de marier les deux ensemble pour qu'elle soit digestible. Tu sais, des médicaments, des fois, c'est pas bon, mais avec une tarte au sucre, ça passe mieux. Question? Question? Vous avez pris un gros break, hein? Vous êtes pacté. Si la reconnaissance est le carburant de l'âme, c'est quoi qui est le carburant de l'esprit? L'esprit s'autosuffit. Il n'y a pas besoin de carburant. Non, il est la vie. Il n'y a pas besoin d'être nourri. C'est la oui, c'est ça. C'est lui la bouffe de tout. Pour se déplacer, il n'y a pas besoin d'un auto, il n'y a pas besoin d'un avion, il n'y a pas besoin d'un hélicoptère. Il fait juste être. T'sais, vous autres, l'esprit, si vous n'avez pas compris encore que c'est pas un être humain, là, c'est pas quelque chose. Comme une entité, c'est une ambiance, mais c'est déjà. Il y a déjà. Dans l'entité, il y a déjà du contour. L'esprit n'a pas de contour. C'est pas contournable de l'esprit. C'est-à-dire que de l'entité, c'est contournable. Je peux parler avec une entité, mais tu ne peux pas parler avec l'esprit. C'est l'esprit qui te fait vibrer. C'est toi qui transforme la vibration en discours, en langage. C'est toi qui transforme la vibration. Lui, il n'y a rien à transformer. C'est tout toi qui fais le job. OK. Quand tu es à l'origine de tout, là, il n'y a rien qui te fait évoluer. C'est des êtres. On va dire des êtres parfaits, mais ce n'est pas des êtres. C'est de la perfection. C'est tout. Ce que les gens appellent Dieu, mais qui se particularise dans l'âme puis dans l'ego. Tu es de la divinité particularisée. Tu es une particule de, avec une sorte, avec une forme d'imperfection apparente ou... qui est de la réflexion. Le fait de te réfléchir, c'est imparfait. Quand tu ne te réfléchis plus, ben, tu es à l'origine. Tu es en contact avec ton origine. Quand tu dors, tu ne te penses pas. Bon, c'est dans ce temps-là que tu es parfait. Et quand tu te réveilles, ben là, tu commences à regarder dans le miroir, ah, ben là, il faudrait que je corrige. C'est parce que tu te réfléchis. Tu te réfléchis parce que tu es en rapport avec les autres, puis tu cherches la reconnaissance, tu veux te faire aimer, puis... Tout ça, c'est ce qui fait ton imperfection. Ça, c'est l'âme. Et l'âme, à ce moment-là, il faut chercher dans les autres une sorte de compassion, une sorte d'appréciation, une sorte de... Tout ça qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on sait qu'on connaît de la vie. Ouais, c'est ça. À l'impôt, il t'engage-tu pour ce que tu as l'air ou pour ce que tu fais? Pour ce que je fais. Et voilà. Pourquoi tu en mets tant sur ce que tu as l'air? Pour les émotions. C'est pour te faire plaisir. Mais ce qui te fait vivre, c'est le chèque de paye. Tu vois-tu comment on est imparfait? On over. Comment ça te coûte le maquillage puis l'esthétique, le kit dans une année? 3 000, 4 000? Je calcule au pif puis je ne me trompe pas. 3 000, 4 000, je suis dedans. C'est 3 000, 4 000 de dépenser pour toi. avec le salaire qu'ils te donnent pour le nécessaire. On te donne un salaire pour le nécessaire, puis tu veux en avoir plus. Fait que tu n'en as pas assez. Pourquoi? Parce que tu es mal aimé. C'est quoi le fond? Où est-ce qu'il est le fond d'être aimé? Creuse-les, ça va à peine, tu vas sauver 4000 pièces par année. Oui, je ne baisse pas les yeux. Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. On va trouver une question ensemble. Ouais. Quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Ah, ça c'est la bonne, ça c'est la bonne réponse de l'âme. Oui, est-ce qu'elle peut se réincarner avec ça? C'est jamais fini. C'est une réponse qui touche l'éternité, qui garantit à l'esprit de se réincarner. C'est jamais fini. Qu'est-ce que j'aurais répondu? Non, mais tu peux donner. Écoute, je t'ai regardé dans les yeux, je dis que tu vas me poser une bonne question. C'est moi finalement qui t'a posé la question. Puis tu m'as donné une bonne réponse. Une réponse qui venait de l'esprit. Tu ne te vois pas, toi, t'es une espèce de petite rondelle ou petite lapin. Comme les apôtres, là. Et on ne sait pas si c'est pour faire du hula hoop ou si c'est pour jouer au frisbee. C'est parce que ça change de grandeur aussi. Ça se pogne avec l'anneau de l'autre à côté, là. La réponse de l'esprit de l'homme. C'est si jamais fini. Elle l'a dit. Les réponses de l'âme, c'est. La réponse de l'âme, c'est qu'il faut atteindre nos buts. Oui, puis après. Qui fait les réponses. Hein? Tu me donnes la réponse que tu veux. Ça part de ta source. Tout est bon. Vous êtes toute une gang de pluggies, là. À cette heure-là, à cette heure-là, vous êtes tous pluggies. Vous pouvez dire n'importe quoi, puis c'est tout ça. Non, je vous reconnais le fait que vous avez de l'esprit. Moi, Daniel, puisqu'on a moins qu'on a besoin d'atteindre la reconnaissance, ou qu'on en ressent le besoin. On n'est plus dans notre identité. Ça, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas établi une règle de mesure. Avoir de l'identité, comme j'expliquais à Manon, avoir de l'identité, c'est, ça te permet de vivre sans reconnaissance. Mais j'ai aussi dit que pas de reconnaissance, tu ne peux pas fonctionner dans la société. Moi, j'ai besoin de reconnaissance pour... augmenter ma charge de travail et donc conséquemment mon salaire. J'en ai besoin. Mais je suis capable de vivre sans reconnaissance parce que j'ai une autosuffisance avec l'esprit à répondre à mes questions. Mais j'ai besoin de reconnaissance pour assurer ma survie d'âme, mon côté animal. Donc c'est fondamental la reconnaissance. Mais avoir moins d'un puis de l'autre, c'est pas la façon de vivre. Moi, c'est avoir le plus des deux. Un maximum de reconnaissance. J'ai pas de tension. Moi, demain matin, tu m'emmènes à la TV, tu dis, veux-tu faire une interview avec Paul Arcand, n'importe quoi. Demain matin, parce que moi, j'ai pas besoin de me préparer, c'est la beauté de l'affaire. Okay. Je parle de n'importe quel sujet, n'importe quel temps, n'importe quel moment, sans préparation. Mais j'ai besoin de reconnaissance pour avoir un salaire. J'ai besoin d'un salaire. Quelqu'un qui fuit la reconnaissance, c'est un imbécile. Mais quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance de soi, par soi-même, on va dire, dans la psychologie, on va dire, tu n'as pas confiance en toi. Bon, avoir de l'identité, c'est comme le summum de la confiance en soi, mais poussé à l'extrême, là, et puis de la reconnaissance, c'est essentiel. Donc, l'affaire de moins que pour avoir plus que, non, je ne crois pas à ça. Ça. J'en ai pas parlé de ça. Les émotions, puis l'échange, puis le rendement, ouais. C'est quelque chose que je suis capable de voir chez l'autre. C'est bon, une manipulation. Tu sais, la manipulation dans l'échange. C'est comme si moi, je vois déjà où ce qui va emmener. Il y a des fois où je... Je suis un peu écœurée de l'humain. C'est quoi ta question? Là, tu me dis ce que tu vis, mais tu ne m'as pas posé de question. Qu'est-ce que je fais avec ça? On dirait que vu que je sais, je m'empêche de vivre des choses parce que je sais le bout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients. La conscience, c'est une grosse charge. La responsabilité de savoir la vie. Tu sais la vie. Tu sais? Savoir la vie, c'est savoir tout ce qui se passe dans la vie. Mais toi, tu portes encore un jugement sur la vie. C'est pas bon. C'est un gros test. Il ne faut pas porter de jugement sur la vie. La vie, c'est la vie. Tu sais. Oui, mais c'est comme si... Et c'est qu'il y en a qui voient l'échange de rendement comme de la manipulation, c'est ça? C'est quoi le... On est manipulé par les forces. Peut être manipulé par un être humain, c'est manipulé par les forces qui passent à travers celui-là. Tu sais, fait que si la personne est manipulée pour te manipuler, la game, c'est de comprendre pourquoi ils veulent te manipuler à travers lui. Comme ça, il faut comprendre ça. C'est ça. Ben oui, grâce à toi. T'es venu à soir pour ça, juste savoir ça. Non, mais je suis rendu là, mais là, moi, je suis bloquée. Ben, il faut que tu regardes l'autre comme un événement. L'autre, c'est un événement, il est manipulé par les forces pour venir te manipuler. Puis toi, tu as un test à passer. Est-ce que tu vas te faire manipuler? Vous allez le savoir mardi prochain à 7 heures. C'est une série, là. Oui, demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne savais pas avant de me lever. C'est rendu que cette heure, je marque des affaires dans mon agenda, parce qu'il n'y a rien qui se fait toute la semaine durant. J'en ai juste marqué trois. Qu'est-ce que tu as fait? Tout, excepté ça. C'est dur, à un moment donné, être conscient, parce qu'être conscient, c'est carrément être manipulé par une vibration, sans avoir personne autour, là, tu sais. Je suis assis dans mon auto, je regarde les feuilles tomber. Chez nous, ça tombe assez pour savoir qu'à un moment donné, je vais être obligé d'appeler le gars pour les ramasser, là, tu sais, genre. Puis t'es bien qui est assis dans le char, puis là, à un moment donné, tu checkes, ah, tabarnouche, j'arrive de déjeuner, puis il faut que j'aille souper. Tu sais, c'est de la manipulation, ça, là, être bien. T'es bien, t'es dans un état bouddhique de transe. Okay. La dynamique d'une vie, c'est une dynamique de conscientisation. Mais une conscientisation, c'est plein d'actes ou de situations dans lesquelles on est plongé pour essayer d'assimiler le pourquoi on est là puis pourquoi l'autre est là. Okay. Moi, je réponds à tout ça dans ma vie. T'sais, je dis, ah, non, ça. Là, ils mettent sur le banc, là, je suis comme à l'étude, puis quand tu étais aux études, ben, tu ne travailles pas, puis après ça, ben, c'est ci, puis c'est ça. Il n'y a pas de décision à prendre, c'est juste des états de fait. Tu constates que la vie, les forces, ça peut dire comme tu voudras, te manipulent pour vivre telle ou telle situation. Puis eux autres, ce qu'ils veulent voir, c'est comment tu vas t'en sortir. Simplement. La vie, c'est une somme incroyable d'échanges, une quantité indescriptible d'échanges. Fait que tu trouves une petite zone de reconnaissance, puis whoop, tu peux rentrer là. Tu rentres là, tu parles, tu fais des actes, tu poses des actes.